La chambre froide, par Jacques de Crest. À la sortie du métro, le commissaire Gilles hésita un instant. Un café à droite, un café à gauche, lequel était le bon? Le brouillard s'était accumulé sur les berges. On voyait mal à 15 pas devant soi. Gilles traversa le quai de Javel pour lire les enseignes. Le Myosotis, ça doit être cela. Il entra, saisi par une bouffée chaude, l'odeur de chicorée du percolateur vaguement mêlée d'alcool. Minuit 20. Le rendez-vous était pour minuit et demi. Un garçon arrivait du fond de la salle, en manche de chemise, savate traînante. « Un crème, très noir !» demanda Gilles, et il sortit un journal du soir pour commencer les mots croisés. À minuit 35, le garçon commença d'empiler les chaises sous les tables dans le fond. « À quelle heure fermez-vous »« 1 heure, monsieur. » La caissière s'était réveillée, remuait de la monnaie dans les sébilles en métal de son tiroir. « Encore 10 minutes et je m'en vais, » pensa Gilles, « tant pis. » Mais il eut du bruit, un courant d'air, une forme longue devant lui. « Excusez-moi, je suis en retard, à peine. » Le nouveau venu tira une chaise, s'assit en face du commissaire. Il avait de petites gouttes de brouillard dans sa moustache grise, coupée court. Déjà le garçon arrivait avec une assiette, de la bière. « Comme d'habitude ?» Comme d'habitude, Louis. Un riche et une demi-brune. Vous venez là tous les soirs, presque. C'est à 2 pas de chez moi, vous savez, et comme je ne dîne pas. L'homme avait posé son melon râpé, mais propre, sur une chaise, et s'épongeait le front. Alors, lui demanda Gilles, toujours la même chose. Il s'était penché vers le commissaire avec un clin d'œil du côté de la caisse. J'ai eu des tuyaux par la concierge d'en face, ajouta-t-il à mi-voix. On parlera de ça dehors. « J'en ai pour 3 minutes. » L'homme mâchait difficilement le pain trop dur pour ses dents, buvait une gorgée avec chaque bouchée, comme pour la détremper. « Ça marche, l'orchestre ?» Gilles parlait pour qu'il ne se dépêchât pas trop, pour qu'il n'avalât pas sans mastiquer, par politesse. « Oui, enfin vous savez, on ne joue que de la pourriture. » Les concierges se tapent la 9e à la TSF, mais au café, dès qu'on dépasse l'opérette. Il jouait dans un orchestre tzigane, quelque part du côté de la République. Dehors, le brouillard avait jauni. Une fournée de voyageurs sortait de la bouche du métro comme des ombres, disparaissait dans les rues en étoiles. Gilles prit le bras du musicien, l'entraîna. Par où ? La rue de la Convention, et puis on tourne à droite. Il y eut un fracas d'autobus, un grincement de frein. Alors, demanda Gilles pour la seconde fois quand le bruit se fut atténué. Il paraît qu'il fricote quelque chose dans sa cave toutes les nuits. Au juste, on ne sait pas. Il y a des volets de bois pleins qui bouchent le soupirail et qui ne laissent pas filtrer la lumière. Mais la concierge est formelle, on entend remuer. L'homme parlait presque tout bas, à l'oreille du commissaire. Toutes les nuits, je n'en sais rien, mais c'est probable. Est-ce qu'il y a des allées et venues dans la maison ? Non. Une fois ou deux, on a vu des gens entrer et ressortir une demi-heure ou 3 quarts d'heure plus tard. Tout cela est assez vague. Et chez vous, pas de nouvelles visites depuis l'autre soir ? Non, non. Mais c'était convenu qu'il ne reviendrait qu'aujourd'hui. Attendez. L'homme s'était arrêté au coin d'une rue transversale. Je crois qu'il vaudrait mieux que nous n'entrions pas ensemble. S'il voit que je ne suis pas seul, il est fichu de ne pas monter. Passez devant, c'est au 14. Vous n'avez qu'à dire en passant mille lieues. Je me souviens. Au 4e à gauche, attendez-moi sur le palier. Blanche doit dormir, elle n'ouvrirait pas. « Ça va. » Gilles fit quelques pas. Il voyait mal les numéros des maisons. La rue était complètement vide, bouchée de brouillard. Le 8 était éclairé par un réverbère. Il décida de compter les portes pour ne pas se tromper. 10, 12, c'était là. Il lui sembla que quelqu'un marchait non loin de lui. Un bruit régulier qui doublait ses propres pas. Il s'arrêta, se retourna. De l'autre côté de la rue, il distingua une grille. Le profil droit d'une maison basse. Le bruit continuait, sourd, toujours le même, à peine perceptible, comme le ronflement lointain d'une dynamo. Que pouvait-il donc fabriquer cet homme singulier qui voulait acheter des morts ? Gilles eut un petit frisson, le froid, la fatigue, sans doute. Il sonna. Mildieu passa le premier dans le couloir. Il marchait sur la pointe des pieds, si légèrement qu'on ne l'entendait pas. « Je ne voudrais pas réveiller Blanche. » chuchota-t-il. « Après, elle ne peut plus se rendormir. » Gilles fit signe que oui, marcha lui aussi sur la pointe des pieds. Le musicien ouvrit une porte, tourna un commutateur, s'effaça. Je m'excuse de vous recevoir dans ma chambre. Nous n'avons que 3 pièces, vous savez. » On sentait tout de suite que Mildieu avait eu de l'argent, qu'il avait su vivre, et que, dans la mesure que lui laissait la misère, il continuait à savoir. « Asseyez-vous, je vous en prie, fumez. » Il avait accroché son pardessus dans un coin et revenait. « Vous voyez, je le recevrai dans la salle à manger. Je laisserai cette porte-là tout contre. Vous entendrez parfaitement. »« Très bien, » dit Gilles. Il s'assit dans un fauteuil, prit une cigarette. « Il faut que je vous pose une question, à vos ordres. Comment votre fille a-t-elle obtenu cette place ?» Et Mildieu eut un petit sourire ricanant. « Et comment la lui avez-vous laissée prendre ? N'est-ce pas, monsieur Gilles ? C'est cela qui vous étonne ? Mon Dieu ! Je ne l'ai pas su, vous comprenez ? Je ne l'ai su que bien après. Elle me disait qu'elle faisait des écritures. J'étais très malade quand elle a commencé. Ah oui ? Oui, fichu, ou à peu près. Et sans elle ?» Il coupa l'air d'un geste sec de la main. « Fini la musique. Elle n'avait plus un sou, vous comprenez ? Ni pour manger, ni pour me soigner. Ça, ou crever, elle et moi. Pour elle, je crois qu'elle aurait préféré crever. Moi aussi, si j'avais su, mais je ne savais rien. J'étais tellement faible, tellement loin. Ce n'est que lorsque j'ai été tout à fait bien que j'ai appris que Blanche était devenue la femme de chambre des morts. Il paraît qu'il en faut une. » Il y eut un petit silence. « Et l'autre ? » demanda enfin Gilles. « Comment l'a-t-il su ? Monsieur Vincent ? Est-ce que je sais ? Un commérage quelconque. Vous pensez bien que Blanche n'avait rien dit. Il a fallu que la fille du fruitier se flanquât dans la Seine il y a 15 jours. Quand le père est allé la reconnaître à la morgue, c'est Blanche qui l'a sortie de l'armoire. Ça n'a pas traîné, vous comprenez ? Tout le quartier a été au courant. » Mildieu s'arrêta, fit un geste. « Tenez, le voilà. » Gilles écouta, n'entendit rien. « Il monte l'escalier. J'ai l'oreille fine, vous savez. » Presque aussitôt, il y eut 2 ou 3 petits coups frappés doucement à la porte du palier. Mildieu se leva. « J'y vais, ne faites pas de bruit. » Il sortit par la porte de la salle à manger, dont il ne referma pas le battant. L'homme faisait ce qu'il pouvait pour ne pas faire de bruit, mais il soufflait fort. La chaise craqua quand il s'assit. M. Vincent devait être gros. « Alors, M. Mildieu, vous avez réfléchi ?»« Écoutez, monsieur, je ne veux pas me mêler de vos affaires. Chacun a ses biens des siennes. Quand vous êtes venu comme ça me demander l'autre soir tout de go de vous procurer un cadavre, j'ai commencé par vous regarder avec des yeux ronds. Ça, vous pouvez le dire. » Il essayait d'être jovial. « On n'a pas toujours la chance d'avoir un voisin dont la fille est employée à la morgue. »« Oui, » répondit Mildieu froidement. « Après cela, vous m'avez offert 5 000 francs. »« Je ne vous ai pas caché que pour moi, c'était une somme. »« Je vous ai demandé quelques jours de réflexion. J'ai réfléchi. »« Allons, j'irai jusqu'à 6 000, mais pas un sou de plus. »« Là n'est pas la question. Je ne puis pas vous répondre avant que vous ne m'ayez dit ce que vous voulez faire de ce cadavre. » L'homme s'agita sur sa chaise. « Ça, mon cher monsieur, c'est mes oignons. Comment ? Je vous offre 6 000 francs d'un mec avec inconnu, d'un... » Il s'arrêta net. La porte en face de lui tournait lentement. « Bonjour, monsieur Vincent. » Gilles ne s'était pas trompé. L'homme était gros, le visage rond, avec une petite moustache relevée, les yeux marrons de méridional. « Un commis-voyageur, » eut pensé le commissaire, « si... » Monsieur Vincent s'était soulevé, les 2 poings appuyés sur la table. « Mais je... » Soudain, il rougit violemment, se rassit, regarda Mildieu. « Un peu trop bavard, le voisin. J'ai toujours détesté les musiciens. » Gilles s'assit tranquillement. « Vous n'avez pas l'air de vous douter que le commerce des cadavres n'est pas libre, monsieur. Je suis navré, mais je dois vous poser la même question que monsieur Mildieu. » Le gros homme crâna une seconde, mais ses prunelles marrons ne cessaient de bouger, trahissaient son désarroi. « De quel droit ? » grogna-t-il. « Commissaire Gilles de la police judiciaire. » L'homme poussa un petit sifflement. « Je vous connais, fichtre, et vous vous dérangez pour moi. » « Au fait, » dit Gilles assez sèchement. Il y eut une seconde de flottement. L'homme s'était levé brusquement. Mildieu fit un geste comme pour le retenir. « Venez avec moi. » « Où cela ? » demanda Gilles sans bouger. « Chez moi, de l'autre côté de la rue. Il faut que vous voyez. Vous ne comprendrez pas si je vous explique. » « Soit. » M. Vincent n'avait pas attendu. Il s'engageait déjà dans le couloir. Soudain, il se retourna. « Mais vous tout seul, hein ? Pas le musicien ?» Gilles fit signe à Mildieu. « Entendu. » Ils avaient dû marcher trop fort, faire du bruit. On entendait un appel déchirant derrière la cloison, une voix de femme. « Papa ! Papa ! » Le musicien se précipita. « Je suis là, chérie. N'aie pas peur. » Une petite grille bien huilée qui ne grinçait pas, 3 marches de perron, L'homme se recula pour laisser passer le commissaire. « Entrez !»« Passez devant, je vous suis. » Vincent grimaça un sourire. « Compris, je vous précède. N'ayez pas peur, vous savez, les morts m'intéressent, mais pas au point de tuer les gens. » Gilles ne répondit pas, le suivit dans une pièce sans lumière qui devait être une sorte de salon et qu'ils traversèrent en silence. À l'intérieur, on entendait plus distinctement le ronflement régulier, puissant, qui semblait venir du sous-sol. Une dynamo, certainement. « Je vous introduis tout de suite dans mon laboratoire. Vous comprendrez mieux. Allons. » Une salle toute blanche, éclairée d'ampoules bleutées, qui donnait la lumière du jour, des cornues, des fioles, des instruments. Dans un coin, un bureau couvert de fiches, de dossiers. « Asseyez-vous, commissaire. » Gilles regardait autour de lui, pas très sûr quand même d'être tout à fait éveillé. Vincent l'observa un instant, éclata d'un rire un peu gras. « Je ne suis pas fou, rassurez-vous, je suis chimiste. Sorti deuxième de l'école il y a, disons, assez longtemps. Je ne suis pas un maniaque non plus. Je vis comme tout le monde, vous savez. Les courses deux fois par semaine, une bonne entrecôte à midi, et l'été, la pêche à la ligne. Je travaille de mon métier, voilà tout. » Il avait un veston de confection, mais tout neuf, un nœud papillon rosâtre. Gilles ne se déridait pas, ne s'étonnait pas non plus. « Quel métier ? » demanda-t-il. « Voilà. » L'homme s'était assis devant son bureau. Il se croisait les jambes, se mit à jouer avec un coupe-papier d'ébène. « Je ne vous apprendrai pas que depuis que le monde est monde, les hommes ont la sacrée manie de vouloir être éternels. Une idée comme une autre, n'est-ce pas ? Moi, j'ai l'impression que quand j'aurai assez ri, enfin, c'est comme ça. » Il y a des gens dont l'idéal est de devenir momie, d'autres qui rêvent de ne pas se séparer de ceux qu'ils ont aimés, alors je les aide. C'est-à-dire, je conserve les morts. J'ai travaillé cela longtemps, fichtre oui, et je suis arrivé à des résultats satisfaisants. Une petite opération très simple, quelques injections. Tenez, venez voir. Il tira un rideau, découvrit une sorte de longue boîte de métal recouverte de cristal, au fond doublé de satin bien capitonné. Le cercueil thermos, peu encombrant, peu coûteux, et d'un mécanisme tellement simple que vous ne reviendriez pas si je vous l'exposais. Rien que cette manette à tourner. Réfrigération immédiate et définitive. Conservation du corps absolument intacte. Vous en avez pour toute votre vie. 10 000 francs, c'est donné. Gilles, presque malgré lui, se pencha, examina. Les idées allaient vite dans sa tête. Et vous avez beaucoup de clients ? Le front de M. Vincent se rembrunit. « Plus que vous ne le croyez, moins que je ne le voudrais. Ah, si je pouvais faire de la publicité, mais je suis obligé de garder et d'exiger une discrétion absolue. » Gilles alla se rasseoir, alluma une cigarette. « On peut fumer, certainement, il n'y a pas d'explosif. » « Tout cela me semble extrêmement ingénieux, M. Vincent, et je ne doute pas de vos capacités de chimiste. Mais racontez-moi un peu comment vous opérez. » « Volontiers. » Je n'ai jamais douté d'avoir un jour une conversation comme celle que nous avons en ce moment. Je préférais que ce fût le plus tard possible. En tout cas, je suis heureux que ce soit avec vous. Vous allez peut-être m'arrêter, mais vous êtes un homme avec qui on peut parler. » Gilles fumait sans bouger. On entendit le roulement sourd de la dynamo. « Oui, continua Vincent. Évidemment, vous ne savez trop que faire. Vous voyez bien que je ne suis pas méchant, que je ne fais de mal à personne. Au contraire. Enfin, vous savez qu'il se passe presque toujours une nuit entre la mise en bière et les obsèques. C'est plus qu'il ne m'en faut. J'arrive vers minuit avec mon petit matériel. La famille m'a donné le poids du mort. Quelques lingots adroitement répartis dans le cercueil, j'embaume. 3 jours après, je livre une armoire. Le cercueil thermos est dedans. L'armoire a une serrure de coffre-fort. Seul le parent du défunt qui a désiré le conserver près de lui possède la clé. Vous voyez comme c'est simple. Très simple en effet. Y a-t-il longtemps que vous exercez ? Plusieurs années. Oh, cela n'a pas été tout seul, pour être bien au point. Maintenant, je touche la perfection. Vous n'avez pas tout vu. Quoi encore ? M. Vincent mit un doigt sur ses lèvres. Chut, mon chef-d'œuvre, venez. Il ouvrit une petite porte dans le mur. Gilles aperçut un escalier qui descendait. J'avais une cave très sèche. Je l'ai utilisée. Vous allez voir. Une bande de moquette rouge courait sur les marches. Gilles cala silencieusement le battant de la porte avec une chaise pour qu'elle ne pût se refermer et descendit. Il crut d'abord rentrer dans une sorte de petit salon. Il y avait un canapé de soie, un piano ouvert, des coussins par terre. Et sur le canapé, une vieille dame assise, un tricot entre les doigts, un vieil homme avec un journal. Devant le piano, une petite fille à la mode de 1925, les mains sur le clavier. Sur un coussin, un Emmanuel couché en rond. « Toute ma famille, » murmura M. Vincent, « mon père, ma mère. J'ai eu le malheur de perdre ma petite fille d'une méningite. Il ne me manque que ma femme. Elle a filé avec un musicien après 12 ans de mariage. Je ne sais pas si elle est morte ou vivante. Je déteste les musiciens. » Le bruit de la dynamo ronflait dans les oreilles de Gilles. Il étendit la main, toucha une surface de verre. « Oui, cette chambre froide est hermétiquement close. Je dois dire que cette installation m'a donné beaucoup de peine. Que ne ferait-on pas pour ses parents? C'est très cher, vous savez, très cher. J'ai dû faire établir un moteur pour tous ces travaux. Vous l'entendez d'ailleurs. » Il tapotait la vitre du doigt. « Un vrai modèle pour milliardaire. » Gilles remontait l'escalier. M. Vincent éteignit la lumière. Dans le laboratoire, le commissaire boutonna son par-dessus. « Monsieur Vincent, » demanda-t-il, « pourquoi vouliez-vous acheter un cadavre ?» Le gros homme désigna du doigt la longue boîte au couvercle de cristal. « Pour montrer au client, commissaire, pas pour autre chose. Cela aurait fait beaucoup d'effet, vous comprenez. J'avais pensé qu'à la morgue, ce serait facile, si ce sacré milieu. » Gilles l'arrêta. « Je connais Monsieur Milieu depuis longtemps. Il m'a donné des leçons de piano dans ma jeunesse. Il avait peur. » « C'est pour cela qu'il est venu me voir. Il a bien fait. »« Qu'est-ce que vous allez faire, commissaire ?» Gilles le regarda un long moment. Est-ce que cet homme, qui trouvait naturel de passer sa vie près de ce salon funèbre, se rendait compte de ce qu'il faisait ?« Je ne sais pas, » dit-il brusquement. Mais c'était vrai que Gilles ne savait pas. Jamais il n'avait été décontenancé comme il l'était par ce personnage singulier, par tout ce qu'il venait de voir. Il sentait seulement qu'il y avait là une chose qui devait cesser et qu'il ferait cesser. « Je ne sais pas, » répéta-t-il, « mais pour des raisons que vous ne comprendrez peut-être pas, M. Vincent, vous ferez bien d'interrompre votre petite industrie. » Gilles retrouva le brouillard avec plaisir. Comment le directeur de la police judiciaire prendrait-il son histoire ?« En tout cas, il choisira lui-même son chef d'inculpation, » pensa-t-il. Il fit 3 pas dans la rue glacée. Leva la tête. Au quatrième de la maison d'en face, il aperçut 2 fenêtres éclairées. « Pauvre gosse » murmura-t-il. La femme de chambre des morts n'avait pas dû se rendormir. C'était « La chambre froide » par Jacques de Crest.